Je me suis souvent demandé comment j'aurais vécu ailleurs. Serais-je devenu pire ou au contraire devenu meilleur? Quand je regarde ce que je suis, c'est vrai que parfois je prends peur. Car on m'a donné, j'ai tout pris sans tenir compte de mes erreurs. La vie est un hasard, le sort a tiré mon numéro. Il s'est montré bien généreux et m'a fait toucher le gros lot. Oui mais voilà, parfois j'ai mal quand je pense à ces milliers d'autres qu'il a laissé crevant la dalle au bord de cette si longue route. Je me sens coupable d'être heureux et pas capable d'être généreux. Du moins pas comme je devrais l'être, ayant été béni des dieux. Loin de cette misère, cet taudis qui devait être ma destinée. Loin de cette guerre et ces tueries qui mon enfance aurait marqué. Bien sûr, je ne vous condamne pas vous qui m'avez permis de vivre. D'être aujourd'hui ce que je suis et d'avoir un chemin à suivre. Je devrais être de ces enfants qui brandissent l'amour comme bannière. Mais aujourd'hui je suis aigri et pour un rien fait des manières. Alors j'ai honte et je le dis car dans ma tête c'est le bordel. J'ai eu cette chance que beaucoup ont vie et pourtant je me sens si loin d'elle. Je vis dans un pays si triste et animé par le pouvoir. Mais le manque d'argent, le pessimisme a éteint toute lueur d'espoir alors. Relever la tête est mon défi, mais parfois je manque de courage. Alors je pense à ces enfants pour qui le bonheur a fait naufrage. Je me regarde dans cette glace et songe à ma vie là-bas. Je n'ai pas le droit d'être malheureux, car mon histoire ne m'en laisse pas le choix. C'est vrai que parfois j'ouvre les yeux et regarde le monde qui m'entoure. J'ai mal au ventre quand je vois cette haine et tellement de gens qui l'entourent. J'aimerais crier, arrêtez-vous, mais l'argent les a rendus sourds. Ouais, l'argent les a rendus fous. Si aujourd'hui mon stylo pleure, ce n'est qu'à cause de mes mains moites. Car moi je n'ai pas de raison de le faire, vu que dans ma vie le bonheur squatte. J'ai bien vécu, même un peu trop, sans me rendre compte qu'il y avait autour. Beaucoup de gens dans le besoin, manque d'argent, manque d'amour. Donc je suis parti et Dieu merci, j'ai enfin ouvert les yeux. Vu qu'on pouvait kiffer la vie, même en n'ayant rien, être heureux. Que tous ceux qui pensent le contraire viennent avec moi, je les emmène. Et ceux qui n'en ont rien à faire, bah simplement je les emmerde. Mais c'est vrai que parfois je me perds, je ne sais plus trop où est ma place. J'essaie de garder mes repères et de suivre mon père à la trace. Mais bien souvent je me casse la gueule et n'arrive plus à avancer. Alors tout de suite je pense à moi, moi que la chance a tant bercé. N'allez pas croire que je déprime ou que je joue un drôle de jeu. Mais parfois c'est le blues qui s'exprime et prend le dessus peu à peu. Oui. Ma liberté m'a coûté cher, au point d'avoir pas mal de dettes et d'implorer dans mes prières de pouvoir relever la tête. Moi qui a une vie bien réglée, des amis sur qui je peux compter, j'aimerais quand même partir loin et me sentir dépaysé. Cette terre me manque, cette terre me hante, toutes ces odeurs je veux les sentir. Et de plus en plus je m'impatiente car mon drapeau je veux le brandir. J'aimerais tellement faire pour ceux qui n'ont pas vécu pareil, leur donner de l'espoir juste un peu, sans leur promettre mon émerveil. Mais tout seul le chemin est long, et bien souvent c'est un cul-de-sac. Le contourner est difficile, sans prendre un coup sur quelques claques. Parce que le tiers-monde est une terre fertile pour tous ces gros bâtards qui n'ont pas le moindre scrupule et qui exploitent le désespoir. Il faudrait juste qu'un beau jour les gens se réveillent et se rendent compte que tous les hommes sont pas égaux et qu'il faudrait qu'ils se rencontrent. Parce que faire un geste solitaire n'a souvent pas beaucoup d'impact. Mais être uni et solidaire peut faire sauter pas mal d'obstacles et éviter pas mal de tacles. Alors, aujourd'hui j'écris pour que les gens sachent que même si loin je n'oublie pas, où je m'écris et je le jure que toute ma vie j'aurai la foi. Parce que je n'ai que ça avec mon courage pour pouvoir me sortir de là. Que ça que je partage avec vous ce soir là. Ma vie est un tourbillon incessant de questions sans réponse, d'interrogations sur mon passé et du présent qui me défonce. Alors à présent je me défonce. Et je fonce.